Élisabeth ou les exilés de Sibérie. Livre audio gratuit, un roman de Sophie Cotin. Lu par Amina Grobis pour le compte de audiocité.net. Sous licence creative.commons. Préface. Le trait qui fait le sujet de cette histoire est vrai. L'imagination n'invente point des actions si touchantes, ni des sentiments si généreux. Le cœur seul peut les inspirer. La jeune fille qui a conçu le noble dessein d'arracher son père à l'exil, qui l'a exécuté en dépit de tous les obstacles, a réellement existé. Sans doute elle existe encore. Si on trouve quelque intérêt dans mon ouvrage, c'est à cette pensée que je le devrais. J'ai entendu reprocher à quelques écrivains de peindre dans leurs livres une vertu trop parfaite. Je ne parle pas de moi, qui suis si loin de posséder le talent nécessaire pour atteindre à ce beau idéal. Mais je ne sais quelle plume assez éloquente pourrait ajouter quelque charme à la beauté de la vertu. La vertu est si supérieure à tout ce qu'on peut en dire, qu'elle paraîtrait peut-être impossible si on la montrait dans toute sa perfection. Voilà du moins la difficulté que j'ai éprouvée en écrivant Élisabeth. La véritable héroïne est bien au-dessus de la mienne. Elle a souffert bien davantage. En donnant un appui à Élisabeth, en terminant son voyage à Moscou, j'ai beaucoup diminué ses dangers, et par conséquent son mérite. Mais si peu de personnes savent ce qu'un enfant pieux, soumis et tendre, est capable de faire pour ses parents, que si j'avais dit toute la vérité, on m'aurait accusé de manquer de vraisemblance. Et le récit des longues fatigues qui n'ont point lassé le courage d'une jeune fille de 18 ans aurait fini par lasser l'attention de mes lecteurs. S'il m'a fallu aller jusqu'en Sibérie pour trouver le trait principal de cette histoire, je ne puis m'empêcher de dire que, pour les caractères, les expressions de la piété filiale, et surtout le cœur d'une bonne mère, je n'ai pas été les chercher si loin. C'est dans la tendresse de sa mère et dans la bonté de son propre cœur que Madame Cotin a puisé ses traits sublimes et touchants qui font de son ouvrage un monument élevé par la piété filiale à l'affection maternelle.